À l'occasion du jour de la commémoration nationale suprême le 17 décembre, tout le pays est plongé dans l'atmosphère la plus sublime. Au palais du soleil de Kumsusan, où sont exposés le corps embaumé du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que dans toutes les unités d'activité du pays, comme organismes du parti, des forces armées du pouvoir, organisations sociales, ministères, établissements centraux, unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, secteurs des sciences, enseignement, littérature et art, santé publique et presse, usines, entreprises, fermes, villages de pêcheurs et écoles, flottait le drapeau en berne. À midi juste, la sirène s'est mise à retentir en même temps dans tout le pays. Tous les militants du parti, militaires et civils, ont observé le silence en même temps pendant 3 minutes en direction du palais du soleil de Kumsusan, lieu sacré suprême du Tse, où est exposé le corps embaumé du général Kim Jong-il.